clair d'arbousier. Je rêvais d'eau claire sans artifice, comme un boutier, le son m'a poussé dans le pré. Et attendre les fruits fuyés que je voulais planter et faire pousser. Tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai trouvé. La chaleur. De l'été faisait que plus rien ne résistait peu à peu. Le désert devant moi avançait. Je rêvais d'eau claire d'artifice, je rêvais d'eau claire sans artifice. Portez peu. Qui pouvait s'en intéresser? Qui? Sûrement pas celui qui a mangé sans se soucier de faire pousser. Les gens sont condamnés, mais ne voient rien venir. Les gens sont condamnés, mais ne voient rien venir. Au pied du mur. Rêver d'eau claire sans artifice d'arbousier, se me pousser dans le pré. Je rêvais d'eau claire sans artifice d'arbousier, et se me pousser dans le pré.